إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة، وبعد. اللهم أسألك بأسمائك الحسنى، أسألك أن توفقنا جميعا. اللهم أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم ارزقني الإخلاص والتوفيق، اللهم ارزقني الإخلاص والتوفيق، ولا تتركني إلى نفسي طرفة عين. اللهم رحمتك أرجو فلا تتركني إلى نفسي طرفة عين، وبارك لنا في هذا المجلس يا رب، وافتح لنا فتحا مبينا يا رب، يا فتاح يا رزاق يا أرحم الراحمين، لا حول لنا ولا قوة إلا بك. وبعد، donc inshallah on continue l'explication de l'immense verset dont on avait dit que Cheikh Abd al-Rahman Saadi il avait tiré son livre par rapport à ce verset, et donc c'est le verset 24 de la sourate 14 qu'on avait commencé à expliquer la semaine dernière et qu'on va poursuivre inshallah aujourd'hui. Donc la semaine dernière on avait donné une vue générale de la sourate, et on avait dit que cette sourate, sourate Ibrahim, qu'elle détaillait, que c'était un détail de sourate Al-Baqarah, et que dans sourate Al-Baqarah, qu'il est l'allié des croyants et qu'il le faisait sortir des ténèbres vers la lumière. Donc sourate Ibrahim, elle détaille comment Allah fait sortir les croyants des ténèbres vers la lumière. Qu'elle nous montre cela. C'est le premier pas vers le paradis que d'apprendre l'iman, ensuite de le concrétiser. Donc Allah, dans cette sourate, par miséricorde de sa part et par sa puissance, il nous a montré, il nous a détaillé l'iman, ce dont on a plus besoin, d'une manière, d'une explication après laquelle il n'y a plus d'ambiguïté et où les choses deviennent claires. Donc la sourate Ibrahim, elle parle de beaucoup de choses. Elle parle des épreuves qui touchent l'Iman, que ce soit les épreuves de la part des tyrans, et ça c'est une partie des croyants qui peuvent l'avoir, pas forcément tous, et elle parle des épreuves qui viennent de la part des shayatines, que ce soit les shayatines parmi les djinns, ou que ce soit les shayatines parmi les êtres humains, et là, tous les croyants sont touchés par cela, donc par le waswas des shayatines, qui ont pour but premier de faire en sorte que les gens tombent dans la mécréance. Cette sourate, elle parle aussi de la vie d'ici-bas et de ses épreuves, donc comme on disait, mais elle parle aussi des épreuves de l'au-delà, des questions dans la tombe, et elle dévoile les ruses de Shaitan, et elle nous montre aussi la grande perte et le grand regret de ceux qui l'ont suivi, alors que Shaitan, lui, il n'avait aucun argument, si ce n'est qu'il leur a fait du waswas et que ces gens l'ont suivi. Et comment Shaitan, le jour du jugement dernier, il va se désavouer d'eux. Elle nous montre aussi donc les gens du paradis et dans quelle félicité ils seront, et les anges leur diront salam. Et elle nous montre l'action des mécréantes, l'action des croyants, et elle nous montre en quoi l'hymen, comment est fait l'hymen. Donc on avait dit, c'est comme si Allah Azzawajal, comme si une personne, en lisant la sourate, se demandait, mais comment vais-je pouvoir échapper aux tyrans, aux épreuves des tyrans, ou comment vais-je pouvoir échapper aux épreuves des shayatines, ou comment vais-je pouvoir échapper aux ruses d'Iblis, ou comment vais-je pouvoir échapper à l'enfer, ou comment vais-je pouvoir répondre aux trois questions dans la tombe? Et Allah Azzawajal m'a montré d'une manière claire en t'expliquant l'iman dans ce verset. D'accord? Donc ici, on avait dit quoi? On avait commencé le début. On avait dit Alam Tara, donc n'as-tu pas vu, ou n'as-tu pas su, ou d'autres ont dit n'as-tu pas su avec l'œil du cœur. Ça a été dit par Tabari normalement, notamment, pardon. Donc n'as-tu pas vu comment Allah a donné en exemple une bonne parole. Donc on avait dit que la bonne parole, c'est la ilaha illallah, comme a dit Ibn Abbas. La bonne parole, c'est la ilaha illallah aussi dans le cœur du musulman. Et la bonne parole, comme l'a dit aussi Mujahid, c'est l'iman. D'accord? Et toutes ces choses-là, ne sont pas contradictoires. Donc ici, Allah Jujul, il veut nous expliquer quoi? L'iman. Il veut nous expliquer le tawhid. Et pour cela, donc il nous donne un exemple et il a comparé le tawhid à un arbre. Et cet arbre, il l'a décrit comme étant un bel arbre dont la racine est ferme et dont les ramures s'élancent vers le ciel. D'accord? Donc à savoir que ici, Allah Jalla nous a décrit l'iman avec une chose vivante qui est l'arbre. Comme pour nous montrer que notre iman aussi doit être vivant. On avait dit que l'arbre, comme il est venu dans Sahihain, dans les deux Sahihs, il s'agit d'un palmier. Le bel arbre, il s'agit d'un palmier. D'accord? Ibn Abbas aussi a dit qu'il s'agit de l'arbre du paradis. D'accord? Donc Allah Azzawajal, il compare l'iman à un bel arbre. On avait dit que l'arbre, quand il est beau, tu le vois à l'extérieur. De même qu'un bel arbre, on ne peut pas le qualifier de bel arbre s'il ne donne pas de fruits. Et s'il n'apporte pas, et s'il n'a pas des bienfaits en lui. Et cet arbre, Allah Azzawajal, la principale caractéristique qu'il l'a donné, il a dit dont la racine est ferme. On avait dit que l'arbre, il est composé de plusieurs choses, et on peut séparer ces choses en deux. Il y a la partie extérieure de l'arbre, et la partie intérieure, de l'arbre. Quant à la partie intérieure de l'arbre, elle est composée de la terre qui vient accueillir l'arbre, des racines, et de l'eau qui tombe sur cet arbre. Quant à la partie extérieure, elle est composée d'un tronc, des feuilles et des fruits. Ainsi, on voit que l'arbre, donc, il est composé de terre, de l'eau, de racines, d'un tronc, des branches ou des feuilles. Là, elle est composée de six principales choses. Donc, on a dit qu'il y a des choses qui sont à l'intérieur et des choses qui sont à l'extérieur. On avait dit que l'eau qui vient sur cet arbre, on sait que l'arbre, s'il ne reçoit pas d'eau, il risque de mourir. Et on sait que l'eau, c'est la principale source de vie de l'arbre. On avait dit que l'eau ici, puisque Allah il a comparé cet arbre à l'hymen, et que l'hymen aussi, j'ai oublié de le dire, il a été comparé aux croyants. D'accord? Donc c'est comme si Allah Azzawajal avait comparé l'arbre, le palmier, aux croyants, pour nous expliquer l'hymen. D'accord? Donc quand ils ont dit la racine est ferme, donc ils ont dit c'est la ilaha illallah dans le cœur du croyant. Donc la ilaha illallah est ferme dans le cœur du croyant, comme les racines du palmier sont fermes. Donc on a dit qu'il se nourrit de plusieurs choses. On a dit qu'il se nourrit principalement d'eau. Si l'arbre ne reçoit pas d'eau pendant longtemps, il peut aller jusqu'à mourir. On avait dit que aussi l'eau, s'il reçoit de l'eau de Javel par exemple, il peut aussi mourir. On a dit aussi que de même que quand il ne reçoit pas assez d'eau, il peut tomber malade. Et on a dit que quant au fait de recevoir trop d'eau d'un coup, ça peut le noyer. On a dit que si l'eau, c'est la science, ne voyez-vous pas que quand l'arbre, il y a de l'eau qui tombe dessus, la terre revit, les racines profitent, le tronc profite, les feuilles profitent et les fruits profitent. Donc quand il y a de l'eau qui tombe, tout l'arbre profite. C'est la même chose pour la science, puisqu'on a dit que l'eau ici, elle est comparable à la science, et que l'eau, quand elle tombe, ou quand le cœur du croyant, il apprend, alors c'est tout le corps du croyant qui profite. profiter, le corps va profiter. Donc tu vas faire ta prière mieux, tu vas plus parler d'Allah, ta langue va profiter, d'accord? Donc tout ton extérieur va profiter. Donc ici, les croyances, c'est important de rester un petit peu dessus pour mieux les expliquer. On a dit que l'eau, c'est la science, ou on peut dire que c'est les croyances. Ici, on peut résumer les croyances, on peut les catégoriser en deux types de croyances. Les croyances qui sont bonnes et les croyances qui sont mauvaises. Toute personne sur Terre, elle a une croyance. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, toute personne sur Terre, elle a une croyance. Et quand vous méditez, vous allez vous rendre compte que toute personne agit selon sa croyance. Les mécréants, ils ont une croyance. Le fait de ne pas croire au jour du jugement dernier, ou de ne pas croire en Allah, c'est une croyance. Cette croyance ici, elle est mauvaise. Et qu'est-ce qu'elle entraîne? Elle entraîne des choses mauvaises à l'extérieur. D'accord? Donc il est normal que celui qui ne croit pas en Allah ne fasse pas la prière, par exemple. Il est normal que celui qui ne croit pas en Allah et au jour du jugement dernier, il n'y a pas de raison qu'il se lève le matin pour faire le fajr. Il est normal que celui qui croit en Allah, qui ne croit pas en Allah, pardon, et au jour du jugement dernier, il est normal qu'il veuille profiter de la vie, puisque pour lui, il n'y a pas d'autre vie. D'accord? Nous, par contre, qui croyons en Allah et au jour du jugement dernier, il faut absolument qu'on s'éduque par le Coran. Donc on a dit que toute personne, tous les gens, on se prend comme un, ils ont des croyances. Et on a dit que les croyances, on peut les classer en deux types de croyances, les bonnes croyances ou les mauvaises croyances. Et nous, on doit s'éduquer par le Coran pour avoir une bonne croyance. Aïcha a été interrogée sur le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a résumé le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam en une phrase brève. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit son. Elle a dit quoi? Son comportement. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, certes, mon Seigneur m'a éduqué et il a parfait mon éducation. De même que dans le Fatiha, on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La louange ou les louanges appartiennent à Allah. C'est qui Allah? C'est Rabbil Alamin. C'est le Rab de l'Alamin. Le Rab, parmi l'essence de Rab, c'est celui qui éduque. Donc les louanges appartiennent à Allah. Celui qui éduque l'ensemble des mondes. Comme il dit Abdurrahman Saadi, dans son tafsir, il dit quoi? Il dit, et l'éducation, il y a deux types d'éducation. Une éducation générale qui permet aux créatures de pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc ça, c'est une éducation générale qui est commune à toutes les créatures. Par exemple, quand l'enfant est né, directement, il va téter sa mère. Personne ne lui a appris. Mais en vérité, c'est Allah qui l'a éduqué, puisque l'enfant a besoin pour continuer à vivre de téter sa mère, eh bien Allah il lui a appris et il l'a éduqué en cela, donc il a besoin de ça pour vivre, et donc il va téter sa mère. De même, vous pouvez voir cet exemple dans beaucoup de choses au niveau des créatures. Par exemple, les tortues de mer, quand les mamans tortues, quand elles accouchent dans le sable, et après, les tortues, elles retournent dans la mer. Et souvent, elles font un long voyage pour retourner et pour aller prendre leur subsistance. Qui a montré à ces tortues le chemin? Qui les a éduquées si ce n'est Allah? Donc ça, c'est la première type d'éducation. La deuxième type d'éducation, comme Ibn Rahman Saadi, Rahimallah, dit quoi? C'est l'éducation de la foi. L'éducation de la foi, c'est-à-dire qu'Allah Azzajul, il t'éduque en te faisant comprendre la foi et en te faisant appliquer la foi. Ensuite, il dit Ibn Rahman Saadi, dans son tafsir, il dit, et ceci est peut-être le secret pour lequel l'ensemble, tous les prophètes, invoquaient souvent Allah en disant Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, tout le temps. Vous allez trouver ça quand vous allez au Coran. Comme par exemple Yusuf alayhi salam, à la fin de la sourate Yusuf, il dit quoi? Rabbi qad ataitani min al-mulki, ô mon Seigneur, mon éducateur, tu m'as certes donné une partie du royaume. Rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah tawaffani muslima. Il dit, oh certes, mon Seigneur, tu m'as donné une partie du royaume et tu m'as enseigné l'interprétation des rêves. Ensuite, il dit quoi? Créateur des cieux et de la terre, tu es mon allié ici-bas et dans l'au-delà, fais-moi mourir musulman. Donc regardez comment il a invoqué Allah en disant arabe. Qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé de mourir musulman. D'accord? Donc ici, on parle de l'importance des croyances. L'importance de la croyance, de l'irtiqad. On a dit que ça, c'est les six piliers de la foi. D'accord? Il ne suffit pas qu'ils soient globaux. S'ils sont simplement globaux, sans détail, on n'est pas à l'abri des ambiguïtés. On n'est pas à l'abri des égarements. D'accord? Donc ici, il faut comprendre comment ça fonctionne. Les croyances influencent sur les actes du cœur, qui à leur tour influencent sur l'extérieur. Et ces trois choses-là forment une boucle perpétuelle. Donc les croyances influencent sur les actes du cœur et les actes du cœur influencent sur l'extérieur. D'accord? C'est pour ça qu'Allah Azzawajal a dit quoi? Fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik. Allah Azzawajal a dit dans sourate Muhammad, verset 19, il a dit: sache que nul n'est digne d'être adoré si ce n'est Allah, et ensuite pardonne pour ton péché. Il a commencé par la science, d'accord? Il a commencé par la science et ensuite il a demandé, il a conseillé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander pardon pour son péché. Comme il dit le Bukhari, dans Sahih al-Bukhari, il dit quoi? La science avant la parole et les actions. Et ceci a été rappelé aussi par Mohamed Abouab dans les trois fondements, par exemple. D'accord? Donc ici, le secret et la sagesse de ça, c'est quoi? C'est que il faut commencer par connaître Allah et il faut commencer par la science. Une fois cette science, donc, qui sont les croyances, qui sont dans l'exemple qu'on donne au niveau de Sourate Ibrahim, qui correspondent à l'eau, ceci va influencer sur les actes du cœur. Comme dit Sahibu Fath al-Bari, comme il dit celui qui a écrit Fath al-Bari, il dit quoi? La science corrige les intentions qui, à leur tour, corrigent les actes. Donc ici, il y a les actes du cœur et les actes extérieurs. Donc la science, elle corrige les intentions et les intentions corrigent à leur tour les actes et aussi l'extérieur. D'accord? Donc ici, si on reprend le verset, Allah, il a commencé, il a dit: sache en vérité que nul n'est digne d'être adoré si ce n'est Allah. Ici, regardez comment la science doit précéder l'action. Par exemple, les chrétiens qui vont voir un prêtre et qui disent au prêtre: j'ai péché, pardonne-moi. En vérité, eux, ils ne savent pas que nul n'est digne d'être adoré si ce n'est Allah. Parce que si c'était le cas, ils n'auraient pas été voir une créature qui n'a aucun pouvoir de pardonner leurs péchés, ni de les mettre en enfer, ni au paradis, pour demander pardon. D'accord? Donc ici, les chrétiens, ils ont agi, mais ils ne savent pas que nul mérite d'être adoré si ce n'est Allah. Donc l'action qui n'est pas bâtie sur une science correcte, elle est vaine. D'accord? Donc ici, sache que nul n'est digne d'être adoré si ce n'est Allah. C'est pour ça que certains savants disent: la première obligation qu'Allah a imposée aux créatures, c'est de le connaître. Car ceux qui vont connaître Allah Azzawajal vont obligatoirement l'adorer. Ceux qui vont connaître Allah Azzawajal vont obligatoirement l'adorer. Allah Azzawajal dit dans la sourate 51, versets 55 et 56, versets 55, 56, 57, donc 51, Allah Azzawajal dit quoi? Rappel, car le rappel profite aux croyants. Et ensuite, il dit quoi? Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et dans le verset 57, il dit quoi? Je n'attends pas de leur part de la subsistance, mais c'est moi qui leur donne la subsistance. Ici, ce verset qu'on connaît tous, ou plutôt ces versets que je viens de citer qu'on connaît tous, mais est-ce qu'on a vraiment médité dessus? Et si on a médité dessus, est-ce qu'on les applique vraiment? Regardez, là, je lui dis quoi? Et on recommence. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا أَشْ. Je n'ai créé les djinns et les hommes. Pourquoi? Pour qu'ils jouent? Non. Pourquoi? Pour qu'ils s'amusent? Non. Pour qu'ils mangent? Non. Pour qu'ils dorment? Non. Je ne les ai créés que pour qu'ils m'adorent. Donc ici, proportionnellement à ton adoration, à ta soumission à Allah, proportionnellement, tu auras de la valeur chez Allah. D'accord? Et ici, quand ce but-là, il a échappé à la plupart des gens, Et bien donc la plupart des gens sont en enfer puisqu'ils n'ont pas réalisé et n'ont pas compris le but de la vie. Puisque comment réaliser le but de la vie si tu ne le connais pas? D'accord? Ça, c'est le cas de la plupart des gens. Donc on a dit ici ce qu'il faut comprendre, c'est que les croyances, elles influencent sur les actes du cœur. Donc ça, c'est l'intérieur. Ensuite, cet intérieur-là, il influence sur l'extérieur. Donc plus l'intérieur il est bon, et plus l'extérieur il sera bon. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, n'est-ce pas qu'il y a un morceau dans le corps, s'il est bon, tout est bon, n'est-ce pas que c'est le cœur? D'accord? Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous explique dans ce hadith qui est dans Sahih Bukhari ou Muslim, que si le cœur est bon, alors tout est bon. Donc si le cœur est bon, tu vas le voir extérieurement. Ici, si on prend l'exemple, donc ici, si la terre, il ne peut pas avoir un palmier, quand tu vois un palmier qui a un mauvais tronc et qui a peu de feuilles et qui n'a pas de fruits et qui manque de tomber, alors sache de manière sûre et certaine qu'il y a un problème dans sa terre, il y a un problème peut-être au niveau de son eau et il y a un problème au niveau de ses racines. D'accord? C'est pour ça que Allah Azzawajal, ici, quand il a décrit le beau palmier, il l'a décrit comme étant ferme et il l'a décrit comme étant beau. Et ensuite, il a décrit les actions des mécréants et il les a comparées à un arbre. Cet arbre, l'arbre des mécréants, il n'a aucune stabilité et il n'a aucun bienfait en lui-même. D'accord? Donc ici, on disait quoi? On rappelle une grande règle très importante qu'on va développer après, Inch'Allah, c'est que l'intérieur et l'extérieur sont toujours liés. D'accord? Donc ici, Allah Jujul, on continue. On a vu comment les croyances influencent. Donc Allah Jujul a dit dans la sourate, quoi? Asluha thabit. Et sa base est ferme. Ici, sa base est ferme. Donc dans le tafsir, il est venu quoi? Sa base est ferme, c'est-à-dire l'arbre est ferme dans la terre. D'autres ont dit, les racines sont fermes dans la terre. D'autres ont dit, l'hymen est ferme dans le cœur du croyant, comme Tabari. D'autres ont dit, comme encore Tabari, ils ont dit quoi? Ici, ferme, ce qui est signifié par ferme, c'est que, ici, cet hymen, il part jamais. Il est basé sur quoi? Sur du ikhlas. Il est basé sur de la sincérité. D'accord? Ici, si vous méditez sur le verset, Allah Azzawajal, il a décrit ce palmier comme ayant une base ferme. Et la base ferme, comme on dit certains moufassirine, ici, il s'agit de quoi? Des racines qui sont fermes. C'est quoi la sagesse ou le secret? Par exemple, pourquoi il n'a pas dit toute la terre ainsi que l'eau et les racines sont fermes? Pourquoi simplement décrire les racines comme étant fermes? La réponse, elle est là. C'est que un arbre ne peut pas avoir des racines fermes s'il n'a pas une bonne terre, s'il n'est pas arrosé d'une bonne eau. Donc, décrire les racines comme étant fermes, automatiquement, ça sait que si les racines sont fermes, ça veut dire que la terre, elle est bonne, et ça veut dire que l'extérieur, il est bon, et ça veut dire que même l'eau qui a arrosé cet arbre, elle était bonne. D'accord? Donc, ici, on avait dit que les racines de l'arbre correspondent aux actes du cœur de croyant, comme la confiance, l'espoir, la sincérité, l'amour, la peur. Si ces actes, ils sont forts et ils sont voués qu'à Allah Azzawajal, alors sache de manière sûre et certaine que la personne, elle a une bonne croyance et que cette croyance, elle l'a puisée d'une bonne source. Ça veut dire qu'elle a une bonne eau. Son eau, elle est pure et son eau, elle est puisée, comme on l'avait dit, des deux sources principales et suffisantes. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous ai laissé deux choses. Si vous les suivez, vous ne serez jamais égaré. Regardez, ici, le prophète Hassan, il a mis comme condition pour ne pas être égaré de suivre deux choses. Et il nous a informé que ces deux choses étaient suffisantes. Hein? Le livre d'Allah et ma sunna. Donc ici, on est en train de parler de quoi? De dire que si les actes du cœur sont bons, alors, de manière sûre et certaine, on saura que la croyance est bonne. Et que de même l'extérieur est bon, car les actes du cœur ne peuvent pas être bons sans l'extérieur et ne peuvent pas être bons sans de croyances fermes. Comme les racines ne peuvent pas être bonnes s'il n'y a pas une bonne terre, s'il n'y a pas une bonne eau, et si de même il n'y a pas un extérieur qui est bon. Car si tu vois un arbre coupé, tu vas dire il n'y a pas de racine puisqu'il n'y a rien qui sort à l'extérieur. D'accord? On a dit ce qui est important dans cet arbre, c'est de comprendre le lien entre l'intérieur et l'extérieur, et de comprendre le lien entre l'intérieur et l'extérieur. Je ne me suis pas répété, hein. L'intérieur et l'extérieur, et l'extérieur et l'intérieur, il y a une petite nuance que je vous expliquerai après, Inch'Allah. D'accord? Donc si on a expliqué de quoi, on a expliqué quoi? Asluha thabit. Sa base est ferme. Après, là, il a dit quoi? Wa faruha fis sama. Et ses ramures s'élancent vers le ciel. Il y a plusieurs choses qui ont été dites dans le tafsir ici. Parmi les choses qui ont été dites, c'est les actes des croyants sont acceptés chez Allah. De même, ce qui a été dit, c'est que la base de l'iman est dans le cœur et cette base-là se concrétise par l'extérieur. De même, ce qui a été dit, c'est que le musulman est fier et ne se rabaisse jamais devant une créature. Le musulman est fier et ne se rabaisse jamais devant une créature. Ici, l'arbre dont Allah il parle, qu'on est en train d'expliquer le palmier, qui est ferme et qui est beau, il faut comprendre que c'est celui qui a complété sa foi. D'accord? C'est celui qui a complété sa foi. Donc celui qui a complété sa foi, ici, il ne se rabaisse jamais devant les créatures. On va donner des exemples, Inch'Allah, pour que ce soit nous et pour Inch'Allah qu'on s'en rappelle. Parce que les exemples ou les histoires, parfois, on s'en rappelle mieux qu'un cours et ça nous aide dans nos vies. Donc à l'époque de Omar ibn Khattab, il était khalife, si je ne me trompe pas, Inch'Allah. Et il y a des compagnons qui sont partis et ils ont été attrapés par des mécréants. Et parmi ces compagnons, il y avait un parmi eux. Le roi, il l'a attrapé. Et ils ont voulu commencer à le torturer, et ce compagnon était ferme. Et ils lui ont demandé de renier sa foi, et il n'a pas renié sa foi. Ils lui ont même ramené des boissons, de l'alcool, et il n'a pas bu, alors qu'il n'avait rien à manger. Je crois qu'ils lui ont ramené de l'alcool, et même du porc. Et il n'avait rien à manger, et il n'a pas mangé, alors qu'il avait le droit de manger. Mais pourquoi il a fait ça? Parce qu'il n'a pas voulu que les mécréants puisse dire du mal ou profiter de cette occasion pour faire du tort à l'islam. Donc lui, personnellement, il avait le droit de manger puisqu'il n'avait rien à manger, mais il a vu l'intérêt de l'islam et il n'a pas regardé sa propre personne. Ensuite, ce roi injuste, il a fait quoi? Il a ramené devant de l'huile chaude et il a voulu plonger dedans. Et ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ce compagnon, il a commencé à pleurer quand il était devant l'huile chaude. Ici, le roi, il était content, il a appelé ses soldats, il a dit ramenez-le, ramenez-le. Il a cru que le compagnon, ça y est, il avait craqué. Le roi, il a interrogé, il a dit, pourquoi as-tu pleuré? Et le compagnon lui a dit, j'ai pas pleuré, j'ai pas peur de la mort ni rien, mais j'ai pleuré car je n'ai qu'une âme et j'aurais voulu avoir 100 âmes pour tous, pour que toutes ces âmes-là meurent dans le sentier d'Allah. Et là, il lui a dit quoi, le roi? Il lui a dit, écoute, et tous les autres qui sont avec toi sont libres. Ici, qu'est-ce qu'il a fait, le compagnon? Comme il avait vu encore l'intérêt de l'islam, il a vu qu'en embrassant la tête de ce mécréant, tous les autres compagnons allaient être libres, et tous ceux qui étaient avec lui allaient être libres. Il a fait quoi? Il a embrassé la tête. Et quand ils sont venus vers Omar, après, quand ils ont été libérés, tous ces musulmans, quand on a raconté l'histoire à Omar, Omar lui a dit quoi? Il est de devoir de chaque musulman d'embrasser la tête de ce compagnon, et Omar lui a dit, moi, je commence. Ici, ce qu'on doit retenir ici, c'est que regardez ce que l'imam fait quand il a été concrétisé. Donc, ce compagnon, il a concrétisé l'imam. Donc, on était en train d'expliquer quoi? Wa faruha fis sama. Et ses branches s'élancent vers le ciel. Donc, parmi les choses qui ont été dites, c'est quoi? C'est que le musulman est fier et ne se rabaisse pas. Ensuite, Allah je lui a dit quoi? Tu'tiukula. Elle donne des fruits à chaque instant. Ou il donne, excusez-moi. Enfin, elle donne, c'est la parole. Ou il donne, c'est le palmier, comme vous voulez. Donc ce palmier, il donne des fruits à chaque instant. Ici, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Là, ils ont dit, il donne des fruits. Donc le palmier, ou cette parole. Enfin, là, il parlait du palmier, tous les 2 mois, tous les 6 mois, tous les 8 mois, ou tous les ans. Et d'autres ont dit, il donne des fruits, comme Ibn Abbas, chaque jour et chaque nuit. Ou d'autres ont dit, comme Tabari, chaque heure. D'accord? En fait, les différentes périodes que vous voyez, elles sont dues. En fait, ils expliquaient différentes choses. Ceux qui parlaient par rapport au palmier et qui parlaient du temps que mettent les fruits à pousser, donc ils ont donné des dates différentes. Quant aux autres qui parlaient, ils parlaient, alors là, ils ont donné d'autres dates. Parce que les fruits, par exemple, du palmier, ils sont mangés tout le temps. D'accord? Et ici, les fruits, par rapport aux croyants, il s'agit de quoi? Il s'agit de ses bonnes actions. Et celui qui a complété sa foi donne des fruits par la grâce de son Seigneur, comme Allah l'a dit après. Donc, sa foi, elle donne des fruits à chaque instant, à chaque moment de la journée et à chaque moment de soir et tout le temps, toute sa vie. Donc ici, le problème, pourquoi il y a eu des divergences, c'est par rapport au mot en arabe hin. Al-hin, en arabe, il a plusieurs explications. Parmi les explications qu'il a, ça peut vouloir dire un peu de temps ou beaucoup de temps. Mais en fait, comme on a vu, ça regroupe toutes ces explications. D'accord? Il a terminé le verset par et Allah donne des exemples aux gens. Peut-être qu'ils vont s'exhorter. Peut-être qu'ils vont comprendre. Ici, ce qui a été donné comme explication, c'est quoi? C'est Allah explique aux gens, clarifie aux gens l'iman, peut-être qu'ils vont passer de la mécréance vers l'iman, comme a dit Tabari. D'accord? D'autres ont dit, peut-être qu'ils vont échapper au châtiment, peut-être qu'ils vont vouloir échapper au châtiment. D'autres ont dit, Allah donne des exemples aux gens pour que ces gens-là sachent, comprennent et appliquent. Pour que ces gens-là sachent, comprennent et appliquent. Donc ensuite, donc on a dit ici, si on reprend, donc ici, là, il est là dans le cœur du musulman, plus il est ferme et plus il est bien ancré et plus il va donner des fruits à chaque instant. La question qu'on peut se poser maintenant, d'accord, c'est comment l'ilaha illallah est ferme dans le cœur du musulman. Il est ferme par deux choses qu'on a vues dans l'exemple, c'est quoi? C'est par la science et par l'action. La science, elle est plus importante que l'action d'un côté. Pourquoi? Parce que comme on a vu, c'est par elle que tu commences. Donc ainsi, si tu n'as pas de science et tu commences par l'action, tu risques de t'égarer et même de faire du shirk sans t'en rendre compte. Donc de ce côté-là, la science, elle est plus importante que l'action. Mais l'action, elle est plus importante que la science aussi d'un autre côté. C'est quoi? C'est que si tu as une science correcte et que tu n'appliques pas, eh bien là, tu risques de te faire châtier aussi. C'est pour ça que Allah Azzawajal nous demande de lui demander la guidance dans chaque prière et de nous éloigner du chemin de ceux qui ont couru sa colère, c'est-à-dire les Juifs. Et ceux qui leur ressemblent, leur principale caractéristique, c'est d'avoir la science mais de ne pas appliquer. Quant aux Dalin, c'est les chrétiens et ceux qui leur ressemblent, leur principale caractéristique, c'est d'agir et de ne pas avoir de science. Et Sirat al-Mustaqim, il est composé de ces deux principaux éléments contraires, à savoir une science et qui est suivie d'une action. Et comme on a vu dans cet exemple ici, le bel arbre, il donne des fruits, et les fruits, ce sont les actions du croyant, et les fruits sont les résultats d'une science correcte. Donc, parmi les sagesses pour lesquelles Allah Azzawajal a cité à comparer l'iman à un palmier, il y en a beaucoup. Et parmi elles, il y a le fait que le palmier est très ferme. Quand il y a des tempêtes, si vous voyez des tempêtes, vous allez voir que quand il y a des tempêtes au bord des plages et qu'il y a des palmiers, eh bien vous voyez le palmier se pencher et pourtant il ne se casse pas. D'accord? Et comme on a dit qu'Allah Azzawajal ici nous a expliqué l'hymen complet, eh bien c'est comme si la foi complète que le musulman réalise va lui permettre de tenir à toutes les épreuves. Donc, parmi les autres sagesses, de donner un exemple, l'exemple du palmier, pour comparer l'iman, il a été dit que le musulman agit sur terre et ses actions atteignent le ciel. Ses actions montent vers Allah. Comme le palmier, qui est très grand de taille, il y a des palmiers qui font 20 mètres ou plus, donc il est ferme, moment ancré dans la terre, et il s'élance très haut dans le ciel. Parmi les sagesses aussi, c'est que les feuilles ne tombent pas, les feuilles du prophète, les feuilles du palmier, que dans ce verset, il s'agissait du palmier, il avait dit, il y a un arbre, en interrogeant les compagnons, dont les feuilles ne tombent pas, et on avait dit qu'Ibn Omar avait dit que cet arbre, c'était le palmier. D'accord? Donc ici, les feuilles ne tombent pas. Allahu a'lam, c'est le fait que les fruits, les actions du croyant ne sont pas perdues. De même, parmi les sagesses qui ont été indiquées de donner un palmier, c'est qu'on a dit qu'ici le palmier, il est comparé à l'iman qui ressemble au croyant. D'accord? Et si vous regardez même un palmier, le palmier, parmi tous les arbres, c'est l'arbre qui ressemble le plus à un être humain. Parce que la plupart des arbres, ils ont des branches partout au niveau du tronc, alors que le palmier, il a des branches en haut, comme si c'était ses cheveux, et donc il ressemble à un homme, physiquement. D'accord? Donc ici, ce qu'on doit comprendre, les secrets qu'on doit comprendre, qu'on a donnés, c'est quoi? C'est le lien entre les sciences, les actions, donc c'est-à-dire les liens entre les croyances, qui sont correctes, les actes du cœur, et puis l'extérieur. D'accord? Comment réaliser ça? On a dit en méditant Coran et en appliquant Coran. On avait expliqué que l'iman, quand il s'agit d'une information, tu dois y croire. Et quand il s'agit d'une action, tu dois mettre en pratique cette action. Alors, si chaque chose qu'Allah t'a ordonnée, tu la mets en pratique, quand c'est une information, tu crois, et quand c'est un ordre, tu le mets en pratique, et quand c'est un interdit, tu ne le fais pas, il va se passer quoi? Il va se passer que ta foi, elle va être comme le palmier, qu'Allah il a décrit dans cet exemple, et elle va être ferme. Et donc, ici, les bénéfices, c'est quoi? C'est que tu vas être ferme ici-bas et dans l'au-delà. Pourquoi? Parce qu'Allah lui dit quoi dans la suite des versets? Amanu bil wa Et elle renforce ceux qui ont cru par la bonne parole. D'accord? La bonne parole, c'est la ilaha illallah. Dans la vie d'ici-bas, donc ici, Allah il les renforce, c'est-à-dire qu'ils gardent leur foi, leur iman. Donc contre les épreuves, comme on l'avait dit tout à l'heure, soit des tyrans ou soit des waswas des shayatin, d'accord? Et dans la vie, dans l'au-delà, comme on dit tous les mufassirin, il s'agit de quoi? Des questions dans la tombe. Des questions dans la tombe. Donc il y a plein de hadiths qui sont venus à ce sujet, des hadiths authentiques. Quand le croyant il meurt, ou quand, excusez-moi, quand tout être humain meurt, il est interrogé dans sa tombe et on lui demande qui est ton Seigneur, quelle est ta religion et quel est cet homme qui est envoyé. D'accord? Et donc le croyant, Allah Azzawajal, il le renforce. Il dit quoi? Mon Seigneur, c'est Allah. Ma religion, c'est l'islam. Et mon prophète, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Ici, il y a une autre version qui est peu connue par les gens. Il demande une autre question. Une fois que le croyant a quand même bien répondu, il lui demande, comment as-tu su? Et ici, regardez ce qu'il répond au croyant. Il dit quoi? J'ai lu le livre d'Allah, j'y ai cru. Donc, ça veut dire qu'il a pris ses réponses et la source de ses réponses qui ont été la cause qu'Allah le renforce, c'est quoi? C'est les deux sources dont on parlait tout à l'heure, le Coran et la Sunna. Donc le croyant il dit quoi? J'ai lu le livre d'Allah et j'y ai cru. D'accord? Donc aujourd'hui, la plupart d'entre nous, ou nous tous, on connaît les réponses. D'accord? Mais demain, quand on sera mort, les seuls qui vont répondre, c'est ceux qui ont vécu vraiment par rapport à ça. T'as vécu toute ta vie, comme on disait tout à l'heure, le verset, je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Tu as vécu dans l'adoration d'Allah? Alors, Inch'Allah, je t'annonce la bonne nouvelle. Quand tu vas mourir, Allah, il va faire quoi? Il va te renforcer et tu seras ferme. et tu seras ferme avant de mourir ici-bas, et tu seras ferme dans les épreuves de la tombe, et Allah Azzawajal te renforcera et tu donneras les bonnes réponses. D'accord? Parce que comme on a dit, tout le monde connaît les réponses aujourd'hui, mais quand on meurt, c'est un autre monde. Aujourd'hui, là, on peut parler tranquille. Si on va juste dans la mer, eh bien, pourtant c'est sur Terre, mais c'est d'autres lois qui y régissent. On ne peut plus respirer plus de 2 minutes ou 1 minute. D'accord? Eh bien là, quand on va mourir, ceux qui vont répondre, c'est quoi? C'est ceux qui ont réalisé l'Iman. Et tu ne peux pas réaliser l'Iman si tu ne l'as pas compris auparavant. D'accord? Et Allah, après, il dit quoi? Alors que Allah, il dit donc, Dieu renforce les croyants. Donc par les propos fermes dans la vie présente et ici-bas. Et après Allah dit quoi? Et Allah égare les injustes. D'accord? Ces gens-là, ils ont été injustes comment? Lorsqu'ils ont été injustes du fait, en premier, qu'Allah Azzawajal, il leur a donné un cerveau, il leur a donné une raison, il leur a envoyé un prophète, il leur a envoyé un Coran qui est clair et qui explique tout. Et ces gens-là, ils se sont détournés du Coran. Ils sont détournés de l'application du Coran. Donc ces gens-là sont injustes. D'accord? Et le fait qu'ils sont injustes, ils n'ont pas appliqué cela. Donc on demande à Allah Azzawajal avec ses plus beaux noms et ses beaux attributs qu'il nous renforce ici-bas et dans l'au-delà. D'accord? Donc on voit comment Allah Azzawajal, il a tout clarifié. Ici, une personne peut se demander, d'accord, tout ce qu'on a dit, c'est de la théorie, c'est bien, et on le sait, on te croit. Alhamdulillah. On croit Allah et c'est bien expliqué. Mais comment faire? Une personne peut se poser la question suivante. Elle peut se dire, par exemple, j'y arrive pas. On va lui répondre la chose suivante. On lui dit quoi? Istaïn billah. Aide-toi d'Allah seul. Place ta confiance en Allah. Et dans le même temps, agis. Et si tu fais ça, Inch'Allah, Allah Azzawajal, il va te faciliter. Et aussi, fais une tawbah. Demande pardon pour tous tes péchés, car les péchés sont une cause qui fait les péchés sont une cause qui fait que la personne n'arrive plus à avancer vers Allah. Donc pour enlever cette cause, il faut venir avec la cause contraire. C'est quoi? C'est la tawbah. Donc demande pardon à Allah, implore pardon à Allah Azzawajal sincèrement de ton cœur, fais les ablutions, fais une prière, et quand tu es prosterné, rends-toi compte combien tu as besoin d'Allah. Comme il dit Ibn Taymiyyah dans Majmu' al-Fatawa, il dit quoi? Il dit les créatures ont plus besoin d'adorer Allah que de manger. Il dit car s'ils arrêtent de manger, ils meurent. Alors que s'ils n'adorent pas Allah, c'est le châtiment. D'accord? Donc je disais quoi? Je disais tout d'abord, demande pardon pour tes péchés. Ensuite, agis. Agis comme l'arbre, il a un tronc à l'extérieur, toi, il faut que tu agisses. Et quand tu vas agir, la crainte, elle va venir. Regarde, Allah, je lui ai dit quoi? Ya ayyuhan nas, wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh, vous les gens, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé et ceux qui étaient avant vous. Ainsi quoi? Vous allez atteindre la piété. Donc le but, la sagesse de l'adoration, c'est que l'adoration, elle permet à la personne de craindre Allah. D'accord? Donc patiente, adore Allah Azzawajal, mets en pratique ce qu'il t'a dit, et Inch'Allah, je t'annonce la bonne nouvelle, ta situation et ta vie va s'améliorer. Et met en action, puisque ici on a vu que Allah il a donné l'exemple pour l'imam d'un palmier qui est vivant. Notre foi, elle ne doit pas être juste théorique. Et beaucoup d'entre nous, on a un problème, puisqu'on a suivi les mécréants dans ça. Nous, on n'apprend pas l'islam pour être cultivé. On n'apprend pas l'islam pour apprendre. Non, on apprend pour savoir ce qu'Allah il attend de nous afin de le mettre en pratique. Une fois qu'on l'a mis en pratique, Inch'Allah, on le transmet afin que cette religion, elle domine sur terre. Donc, on l'apprend en premier pour nous, pour appliquer, pour savoir ce qu'Allah Azzawajal, il attend de nous. D'accord? On a dit à certains, pourquoi les salafs, avaient plus de baraka dans les paroles. Pourquoi quand ils parlaient peu et leurs paroles avaient des influences et de la baraka sur les gens? Ils ont répondu, car les salafs ne parlaient pas pour eux. Ils parlaient pour la religion d'Allah. Ils parlaient pour que la religion d'Allah est dessus et Allah Azzawajal mettait la baraka dans leurs paroles. Après, cette personne qui a été interrogée, elle a dit, et nous, dans notre époque, on parle la plupart du temps pour nos propres personnes. D'accord? Donc ici, on apprend pour mettre en pratique. Et tout ce qu'on a dit, ce sera une preuve contre nous, qu'Allah nous préserve, ou ce sera une preuve pour nous. Ce sera une preuve pour nous si on le met en pratique. Et si on ne le met pas en pratique, alors on sera parti des gens qui vont le plus regretter, puisqu'on aura connu la vérité. Contrairement au mécréant qui a profité un peu ici-bas, mais qui n'a pas connu la vérité, c'est pas le jour du jugement dernier qu'on va se dire, mais je savais et je n'ai pas mis en pratique. Comme il dit Ibn Qayyim, dans Daoud Dawa, il dit quoi? Il parle en fait et il dit que il y a plus de 1000 endroits où Allah Azzawajal, il a montré que le bien ici-bas et dans l'au-delà, ou que le mal ici-bas et dans l'au-delà est lié à des actions, à des causes. Ensuite, il dit quoi, Ibn Khayyam? Il dit, et si tu médites sur le Coran et les histoires qui sont dans le Coran, cela va t'apparaître de manière très claire. Et il dit même après quoi, il dit, et si tu médites sur ta situation personnelle, cela va te paraître aussi très clair. Ici, il veut dire quoi sur ta situation personnelle? Il veut dire que quand on fait des péchés, on voit qu'on s'éloigne d'Allah. On voit que notre cœur devient dur. On voit qu'on n'arrive plus à faire des actes surrogatoires. On voit qu'on commence à avoir un mauvais comportement. Ici, ce dont Allah il a informé dans le Coran, d'une manière générale, comme quand il dit, et celui qui s'éloigne de mon rappel vivra une vie pleine de gêne. Quand toi, tu t'éloignes de son rappel, tu vis une vie pleine de gêne. De même que quand Allah lui dit quoi? Quiconque, homme ou femme, tout en étant croyant, fait de bonnes actions. Quand tu fais des bonnes actions, Allah il dit quoi? Je vous donnerai une vie heureuse. Et ici, quand tu fais des bonnes actions et que tu essaies d'être sincère, ce bonheur dont Allah lui a parlé, tu le sens dans ta vie. D'accord? Donc Ibn Qayyim après, il dit quoi? Il dit, celui qui médite autour de lui verra que les signes qu'Allah Azzawajal a détaillés dans le Coran, il verra ces signes vivre. Il verra ces signes vivants. Subhanallah, regardez comme là, il y a eu un tsunami au Japon. Et avant ce tsunami, il y avait un tsunami beaucoup plus important et beaucoup plus grandiose en Indonésie. Dans quel sens il était grandiose le tsunami en Indonésie? Dans le sens où tout s'est effondré, il y a une mosquée qui est restée intacte. Tout autour de la mosquée, toutes les pierres étaient tombées. D'accord? C'est pas un exemple vivant qu'Allah nous donne là. C'est comme si Allah nous disait, ou c'est comme si Allah disait aux gens, oh vous les gens, regardez, je suis capable. Le tsunami en Indonésie, c'était en 2005, je crois, il a fait 30 000 morts en 24 heures. C'est comme si Allah lui disait dans ce tsunami, oh vous les créatures, je suis capable sur toute chose, et si je veux châtier, personne ne peut m'empêcher. Et regardez, j'ai tout détruit. Et si vous voulez être sauvés, regardez, le signe de la vérité, c'est quoi? C'est cette mosquée. Et la mosquée, c'est le signe de quoi? C'est le signe de l'islam. Donc c'est comme disait, avec un exemple vivant, oh vous les créatures, si vous voulez être sauvés du châtiment ici-bas et dans l'au-delà, alors rentrez dans l'islam. Puisque, comme j'ai détruit tout ce qui est autour de la mosquée et que j'ai laissé la mosquée debout, et bien de même, tout ce que j'ai informé dans le Coran sur le châtiment de l'au-delà arrivera. D'accord? Donc là, c'est pareil quand on voit le tsunami là qui s'est passé là aujourd'hui en Japon. Et bien ça doit être un signe pour nous en premier. Ce signe-là, eh bien, on doit savoir et être sûr sans aucun doute que tout ce qu'Allah il a informé dans son Coran est vrai. Et tout ce qu'on n'a pas vu encore, ça va arriver. Les questions dans la tombe, elles vont arriver. La mort, elle va arriver. Le paradis est réel. L'enfer est réel. Et tout ça, comme on a dit, on ne doute pas, alhamdoulillah, sur ces six choses-là, mais on a dit qu'on doit avoir ce qui fait augmenter la foi et ce qui pousse à agir, c'est quoi? C'est les détails de ces six piliers de la foi, des six piliers de la Non, donc il y a quelqu'un qui dit c'est pas un signe puisqu'il y a eu une église. Et les chrétiens ont dit la même chose. Ici, Alhamdulillah, Allah, je lui ai dit quoi? Ils ne viendront pas avec un exemple sans que on vient, sans que nous venons avec une réponse meilleure. Ici, même s'il y a une église qui est restée et que les chrétiens ont dit la même chose, Alhamdulillah, c'est quoi la réponse? C'est que Allah, c'est une épreuve pour les gens. D'accord? À savoir que nous, le plus grand des signes et le plus grand des miracles, c'est le Coran. Et le Coran tout seul nous suffit. Simplement, ce qu'on a dit, il y a des signes parmi les choses-là. Et le Coran en lui-même, c'est un miracle et il nous suffit. Alhamdoulilah, on n'a pas besoin d'autre chose. C'est comme, il y a des gens, c'est comme il y a des gens, ils font quoi? Pour aller dans le même sens que ce que la personne disait, là, ce que le frère disait. Il y a des gens, ils sont partis à Lourdes et ils ont invoqué autre qu'Allah. Par exemple, ils ont invoqué Marie et ils étaient paralysés et ils reviennent, on prend des photos d'eux, ils peuvent marcher. Ici, c'est quoi? Ici, c'est une épreuve qu'Allah Azzawajal, il donne aux gens. C'est quoi l'épreuve? C'est Allah Azzawajal, il veut voir si tu crois vraiment à son Coran ou tu auras un doute après ça. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que juste le qadar, Allah Azzawajal, il a fait que par le qadar, cette personne, elle est guérie en même temps. En même temps que le fait qu'elle soit partie là-bas et qu'elle ait fait des invocations. Ça, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, il se pouvait qu'il y ait des djinns qui sont entrés dans la personne, qui ont paralysé ses jambes, et qui après l'ont fait du waswas, et l'ont incité à partir à Lourdes. Et une fois qu'elle est partie à Lourdes, ils vont continuer à lui faire du waswas, ils lui ont dit invoque autre qu'Allah, invoque Marie, et une fois qu'ils ont invoqué autre Marie, les djinns qui bloquaient ses jambes sont partis, et la personne s'est mise debout. La personne s'est mise debout. C'est pour ça ici, on doit avoir une règle. Et ici, Allah, quand il a dit quoi? Sa base est ferme. Ici, on doit avoir une règle et nous, on est ferme. C'est quoi cette règle? C'est qu'on doit avoir des règles, on doit avoir des choses fermes, des choses générales qui sont fermes. Des bases qu'on ne peut pas, sur lesquelles, des bases fermes, sur lesquelles on revient toujours. Comme les savants, ils ont dit dans Qur'an, ou comme Allah l'a dit avant eux, le verset 7, sourate 3, Allah je lui dis quoi? C'est lui qui a fait descendre le livre dans lequel il se trouve des versets clairs. C'est la base du livre. Après, il a dit, il y a d'autres versets qui sont ambigus, c'est-à-dire ils peuvent prêter à plusieurs significations. D'accord? Et les savants nous ont appris comme règle que quand il y a des choses ambiguës, on remet ces choses ambiguës. Donc les choses ambiguës, c'est les choses qui peuvent prêter à plusieurs significations. Donc on remet ces choses ambiguës sur les choses ferme. Donc si même s'il y a une église et il y a un tremblement de terre, d'accord, et qu'il y a tout qui tombe par terre sauf une église, nous, ici c'est une chose ambiguë, et on remet cette chose ambiguë sur le Coran et la Sunna. Le Coran et la Sunna, il y a tellement de miracles, tellement de miracles, tellement de preuves que c'est la vérité. On va laisser toutes ces preuves qui sont une vérité pour une ambiguïté. Donc il ne suffit pas d'arroser ton arbre, d'accord? Il ne suffit pas d'avoir une bonne terre. Il faut aussi faire attention à toute chose qui vient et qui risque de rendre malade ton arbre. N'est-ce pas qu'un arbre, si tu le laisses, si tu n'en occupes pas, il peut avoir des bêtes qui viennent l'attaquer, il peut avoir des mauvaises herbes qui poussent, il peut avoir de la mauvaise terre. Donc le jardinier qui s'occupe de son arbre, non seulement il lui donne de la bonne eau, il fait attention que la terre soit bonne, et il fait attention que les racines soient bonnes, mais dans le même temps, il fait attention à toute chose qui peut venir attaquer l'arbre, il fait attention à la mauvaise eau, il fait attention aux mauvaises herbes, et ici c'est un exemple qui est pour nous. Donc nous on doit faire toujours deux choses. La première c'est apprendre et mettre en pratique. La deuxième c'est faire attention aux ambiguïtés qui peuvent venir aller contre la science et faire attention aux péchés, aux passions qui peuvent diminuer tes actes du cœur, qui peuvent diminuer tes racines. On demande à Allah avec ses plus beaux noms et ses plus beaux attributs. Allahumma nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa ant. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم كما أكرمتنا أولا بالإيمان فأكرمنا وثبتنا عند الموت لا إله إلا الله اللهم كما أكرمتنا بالإيمان فثبتنا عند الموت لا إله إلا الله اللهم ثبتنا عند الموت لا إله إلا الله اللهم نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم نعوذ بك من الفتن ما ظهر منا وما بطن. اللهم نسألك إيمانا لا يرتد، اللهم نسألك إيمانا لا يرتد، اللهم نسألك إيمانا لا يرتد. Oh Allah, on te demande par tes plus beaux noms et par tes plus beaux attributs de nous donner une foi ferme, une foi qui ne revient jamais en arrière. On te demande par tes plus beaux noms et plus beaux attributs de nous renforcer lors de notre mort par la bonne parole. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Allahumma, oh mon Dieu, ne nous laisse pas, Ya Allah, ne nous laisse pas à nos propres âmes, ne serait-ce le temps d'un clin d'œil. Oh Allah, comme tu as été généreux avec nous et comme tu nous as favorisés en premier en nous guidant dans l'islam, fais-nous mourir dans l'islam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wa barakallahu fikum, wa sallamu alaykum.